J'ai toujours mon Desert Eagle dans le survêt. J'fais gaffe à tous ces fake N-word qui nous surveillent. J'rêve pas vraiment un jour de monter sur scène à fame, puisque la richesse, moi j'trouve ça surfait. J'voulais faire un décollage comme une fusée, mais tout a déconné, j'ai pété le fusil. Hey. J'ai sorti le fusil, coupé les ponts et tous les fils. J'crois que rien ne va plus depuis que j'sais que j'vais quitter mon île. Pour me changer les idées, j'traîne dans ma ville. J'ai démultiplié les shots quand j'suis entouré d'amis. En sortie toujours le go Adidas sur le textile, en attendant le fléau pour les passionnés de style. On a commencé sur des prods simples, le rap d'une maladie où on est des porteurs sains. On a trituré toute une flopée de samples et développé vraiment tout plein de sons étranges. J'en sais pas la main, ils vont voler mes cartes. J'en sais pas la main, sauf s'ils ont signé mon pacte. Demi-démon, vrai connard, que toi des vendeurs de crack. Le copal, Hiroshima, c'est troisième impact. Vers usage, fais comme descend en phase terminale. Eminem, flow tech 9, on envoie pas de subliminal. Faut que ces rappeurs qui rêvent de minutes de rap, on n'est pas du genre à traîner avec aucun de ces minables. Faut d'argent pour mes gens et d'argent sur mes gens. Si c'est le cas où se présente, t'inquiète même pas que j'en signe dessin. C'est pas du rap, c'est la survie que j'enseigne. J'suis pas un newbie, j'm'en fous de passer sur toutes les antennes. Qui va encore devenir le man of the year? Les autres feront juste des manœuvres de yinche. J'ai juste à augmenter ma note de hier et à remplir la poche des miens. Elle est nucléaire, donc je m'en fous si jamais je rate ma frappe de loin. Y'a plus à se demander qui est le meilleur. Tu veux toucher la lumière, alors approche tes mains.